Bonsoir à tous, vous allez bien? Bon, je me prépare, hein, parce que moi je dois me connecter aux étoiles avant de chanter, donc je vais vous expliquer ça. J'arrive tout de suite, hop, je démarre la machine. Voilà, donc avant de commencer, je voudrais vous montrer un petit truc. Hop, je vais le chercher. Désolé, hein, c'est ça le live. Hop. J'ai ramené quelque chose des étoiles. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais... Voilà. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Voilà, je répète. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yavanna. Et je viens des étoiles, je viens de la constellation d'Orion. Donc, c'est pas commun, vous allez le voir. Et donc, je vous ai rapporté, voilà, mon album qui vient donc des étoiles. Si ma musique vous plaît, après, on peut se voir juste après pour, voilà, si vous voulez prendre l'album avec vous. Comme ça, ça me permet de financer mes projets. Donc, c'est parti, on va commencer avec les titres de mon album « Retour à l'essentiel ». Donc, voilà, je fais tout toute seule, en fait, avec mon ordinateur, j'ai pas de musicien. Et donc, je dois mettre en route la machine. C'est parti avec le titre « Je vis ». Et après, on va enchaîner donc avec 4 titres de l'album « Retour à l'essentiel ». Je vis, je vis, je vis. Oh, oh, je vis, je vis, je revis. Sans moi-même dans ce miroir, mon multiple reflet, j'essaie de fuir. Je ne crois plus aux contes de fées. Ça ne sert à rien de s'apitoyer quand le mal est fait. Alors je m'attache aux choses qui me correspondent. En vérité, si je m'écoutais, je serais plutôt d'humeur nauséabonde. Stop les idéaux, stop les idées fausses. Si t'as des vœux, sache que seul le ciel te les exauce. Je me ressource grâce au doux parfum de la rose. Une mélodie, un peu de froid sans la musique. Mon cœur explose comme une envie de respirer. Je lâche, je prie, je laisse aller. J'ai juste envie de m'envoler vers d'autres horizons. J'ai pardonné à mes regrets. Du recul mis en retrait. Sur le passé j'ai fait un trait. Je vis, je vis. Chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis ma vie. Chaque instant comme si c'était le premier. Alors je t'en prie, laisse-moi y croire. Oui, laisse-moi essayer. Face au miroir de ma vie, je danse au gré des reflets. Je reste moi-même face à la haine qui chaque jour essaye de nous voler notre humanité. Dans ce miroir, mon reflet disparaît, mais je ne perdrai pas ma dignité. Je profite de chaque moment, même si la vie compte, je ne saurais faire autrement. J'ai nettoyé mes ombres de tous ces gens qui mentent. Je n'aurai peut-être qu'une seule chance, alors je me dis qu'il faut que j'attende. Comme une envie de rêver, je lâche, je prie, je laisse. J'ai juste envie de m'envoler vers d'autres horizons. J'ai pardonné à mes et tu recules mes entrées. Sur le passé, j'ai fait un trait. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis ma vie chaque instant comme si c'était le premier. Alors je t'en prie, laisse-moi y croire. Oui, laisse-moi essayer. Face au miroir de ma vie, je danse au gré des reflets. Je vis. c'était le titre Je vis, donc issu de l'album Retour à l'essentiel. Je vis, on continue avec le titre Les portes du paradis. Où sont les portes du paradis? Est-ce que quelqu'un dans la salle sait où sont les portes du paradis? Je les cherche depuis tellement longtemps. Tu nous fais la chorégraphie? Attiré par ton regard, dans les ténèbres, dans le noir, es-tu là, est-il trop tard, de l'autre côté du miroir. Mon cœur a pris du retard, je ne supporte plus ton départ. Je cours encore après ton mirage, mais seul le vent me renvoie ton visage. J'avance seul sous la pluie, oh, je veux m'enfuir. Dans chaque goutte ton reflet s'évanouit. Dites-moi où sont les portes du paradis. Dites-moi où sont les portes du paradis. Je n'existe pas. Oui, je perds tous mes sens. Tu es la raison de mon existence. Ne me laisse pas, j'ai tant besoin de toi. Ne me laisse pas, tu fais partie de moi. Ne me laisse pas, non. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, j'ai tant besoin de toi. Voilà, c'était les portes du paradis. Et maintenant, on va essayer de vous réveiller un petit peu. Donc avec le titre Réveillez-moi, on change de registre. Mon esprit endormi ne me relève pas si je tombe dans l'oubli. Assombri par ma vie, la fatalité est un comble et je m'ennuie. Dites-moi qui se passe, qui a pris ma place. Comme un fantôme qui déambule, je fais du surplace. Suis-je en plein rêve, mon avenir trépasse. Je veux que ce cauchemar s'achève, sortir de l'impasse. Rêver, rêver, rêver, réveillez-moi. Si tout va si bien, pourquoi je ne ressens rien? Les images ça plaît aux enfants, ça c'est bien. Bon, vous n'êtes pas assez réveillés? Alors écoutez-moi ça. Ça fait le tour du monde entier. C'est 28e dans les clubs actuellement. On a le promoteur qui est ici. C'est un titre qui est en train de monter. Voilà, c'est une surprise pour moi, mais... Tell me what you like. I don't care around, you make me strong. Like we are bound, you make me crazy. It's getting hot, I feel my heart. Now we can stop, tell me what you want. I don't know why, I can't untie my desire. Another life, another time. Don't be so shy. Voilà, voilà, c'était donc Tell Me What You Like. J'ai la chance que ce titre marche un petit peu, mais... Bon, ça va, ça vous a plu? Oh oui. Bon, bah, merci à vous pour l'ambiance. Et puis, on va pouvoir envoyer la suite. Merci à Arc-en-Ciel. Eh bien, un énorme merci à toi, Yavanna. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici sur Arc-en-Ciel, d'écouter tes musiques. Rappelle-nous donc le dernier album. Voilà, donc dernier album sorti, c'est donc Retour à l'essentiel. Donc je viens pas des étoiles, hein, je viens d'ici. Mais voilà, Retour à l'essentiel, il y a 22 titres, il est en vente à 10 euros. Et je suis en autoproduction, j'ai pas de maison de disques, je fais vraiment ça toute seule dans mon studio.